So, yes. Pesi yombote na nzela akomi kotala nga miso ya mabe natuni yo ntina olobi olataki ndoto ya mabe likambo ya ndoto ezali mpona yo moko likambo ntoka ya moto N'importe qui est longuité dans la terre. Naturellement d'ailleurs, est-ce que l'autre kinga ou l'obité n'a l'autre est mais il faut quand même nous en avoir une bonne humeur, ma camarade. Vraiment, nous avons très touché. Au gros, c'est un rabais excuse quoi. Oh,